Chapitre 35. Question-réponse avec différentes personnes au sujet des groupes ou des sectes. Alors, j'ai reçu il y a déjà assez longtemps différents messages qui étaient intelligents. Ils étaient avec mon chapitre 2 de la vérité vous rendra libre. Et puis une réponse que j'ai reçue encore aujourd'hui. Donc je vais demander à ma fille, qui se gratte l'oreille maintenant. Ah non, c'est le chien qui se gratte l'oreille. Donc je vais demander à ma fille de lire les différentes questions, réponses. Et puis après, je ferai un petit monologue pour répondre un peu à toutes ces personnes de façon différente. Allons-y. Donc... La première question, c'est de Lydie. Tous ces gens considéraient ce guide comme un gourou. Elle parle là de Omram, évidemment. Le fait d'interdire quoi que ce soit favorise la dualité et renforce l'ego. Donc, c'est une secte. Omram avait un enseignement juste et pourtant a créé un ensemble fanatique. Donc, déjà, ce que je peux dire brièvement, après je répondrai plus longuement, mais... Le maître de la dualité, c'est la société. Donc la société, c'est une secte. Même si quelque part, je suis d'accord sur certains aspects, mais en même temps, à une conclusion simpliste comme ça, toute dualité, donc, c'est une secte, ben alors la société entière, c'est une secte. Cette société qui détruit le monde alors que vous êtes censé de vous inquiéter pour votre futur, c'est une secte, c'est même une secte très débile, basée sur la peur et le contrôle absolu, avec des interdits de toutes parts. C'est curieux comme résultat. Dès l'instant que les hommes se regroupent, les problèmes arrivent. Le travail est individuel. Nous pouvons directement être enseignés par la source même. Certainement comme Ram le savait, mais passé là-dessus. Oui, ça c'est totalement faux. Dans le sens où, oui, on peut se brancher sur la source et avoir certaines informations, mais on va s'y brancher avec tout le programme de mensonges, de manipulations, de peur, de terreur et de dualité que la société nous a enseigné. Donc déjà, votre speech à vous, qui parle de terreur, de dualité, et donc qui sous-entend qu'elle n'a pas de dualité, c'est ridicule, franchement ridicule. Et ben, il est clair que pour travailler, il faudrait s'isoler de tous ces mensonges, de tous ces chantages, de toute cette manipulation. Donc, chère madame, je crois que c'est une dame, vous vivez au sein d'une secte extrêmement manipulatrice et dangereuse et autoritaire qu'est la société. Comment faites-vous pour apprendre... Vous imaginez que vous vivez dans une secte où ils sont, je ne sais pas quoi, à pratiquer la méditation tous les matins et les chants l'après-midi. Et vous vivez dans cette secte pour pratiquer la boxe. Ben, va falloir que vous soyez doué, hein, parce que c'est interdit, parce que tout le monde vous critiquera, parce que vos horaires ne sont pas adaptés à ça. Travailler la spiritualité et l'évolution vers la lumière totale seul, dans la secte de manipulation, de mensonges, de peur, de terreur et de dualité qu'est cette société, c'est aussi fort que de travailler la boxe dans une secte non violente de méditation et de chant. C'est aussi délirant comme description. Je vous dresse un parallèle pour aider les gens à comprendre pleinement la situation de cette société. Continue. Jamais je ne rentrerai dans un groupe sectaire ou religieux. Mais tu y es déjà, ma grande. Et à 100%, ça s'appelle la société. Ou la secte des gros cons. On peut dire aussi, c'est une autre... Ils ont un dieu, ça s'appelle l'ordinateur ou la télévision, c'est leur gourou. Ou les médias, c'est leur gourou. Et c'est, voilà, ils suivent tout ce que la société enseigne, ça s'appelle la secte des gros cons. Et elle est puissante, celle-là, très dangereuse. Je suis mon propre maître. Oui, bien sûr. Là-dessus, j'ai répondu. Tu veux que je les réponse ? Non. Donc, moi, j'avais déjà parlé de dualité, ainsi de suite, donc on s'en fiche de ma réponse. On va aller à la réponse de la deuxième personne. C'est de Schwarzi Arnold 4. Mmh. Vous confondez la notion de maître dans la relation maître-chien et la notion professeur-élève. Votre nature profonde est terrorisée, en effet, à l'idée de devenir le toutou d'une autre personne. Mais sachez que le mot maître fait davantage référence à la notion professeur-élève. Craindre qu'on vous mette en laisse et ainsi se reculer dans son coin, tout seul, recroquevillé, apeuré, craintif, faible, peut être une solution pour vous prémunir des vrais gourous qui vont abuser de vous. Mais est une mauvaise habitude devant un véritable instructeur qui peut vraiment vous aider. Si vous êtes votre propre maître, alors fondez-moi, s'il vous plaît, le même enseignement que Omra Mikhaïla Ivanov, mais bien sûr, après avoir bu une potion d'oubli. Si seulement c'était possible. Mon Dieu. Vous vous apercevriez sans doute que vous ne pouvez et ne pourrez jamais vous passer de maître, comme visiblement d'avoir peur. Eh oui, en gros, je suis très d'accord avec cette personne et je ne comprends pas pourquoi il critique les chiens. Parce que les chiens, chez nous, ils sont très très bien. C'est même eux qui décident quand est-ce qu'il faut aller se promener. C'est eux qui dirigent tout. Donc, non, c'est vrai, il dit, vous allez vous retrouver en laisse comme un chien. Ouais, vous rigolez. C'est souvent comme ça avec les expressions. Ouais, c'est vrai. Bon, et on passe, après je prendrai plus de temps pour répondre à tout, à la troisième réponse qui est d'aujourd'hui, je pense, ou d'hier. De hier. Donc nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2018, et de Cerebro, je pense. C'est ça. Il a le nom de l'ordinateur du professeur X dans les X-Men. Il s'appelle Cerebro aussi. Bon, c'est pas grave. J'espère que FPU ne subira pas le même sort que l'Église chrétienne des premiers temps avec les conciles qui en élevant et rajoutant ce qui leur enlevant. Qui en enlevant et rajoutant ce qui leur plaise au gré ces centaines ont énormément déformé le message initial. Ok, c'est tout. Alors maintenant je vais répondre. Tu peux sortir. Non, tes chiens peuvent t'emmener dehors. Merci. Ouais. Ok. Alors maintenant, je prendrai plus de temps pour répondre en détail, parce que je ne vais pas retenir ma fille qui a d'autres choses à faire. Et déjà, je vais répondre à l'aspect effectivement de peur d'une personne qui dit je ne ferai jamais partie. Je ne ferai jamais partie d'une secte. Et comme je l'ai dit précédemment, vous faites déjà partie d'une secte, la secte des gros cons. Et quand je dis ça, vous allez dire, oh, vous insultez cette dame, je crois que c'est une dame. Non, je ne sais même pas diriger vers elle. C'est l'analyse propre et froide de cette société. C'est une secte des gros cons. Et à tel point qu'on peut vous emmener à manger n'importe quoi, qu'on peut vous faire accepter n'importe quel vaccin, n'importe quelle croyance, n'importe quelle manipulation, n'importe quelle terreur, n'importe quelle. Moi, j'ai vu encore, il y a 2 jours environ, des interviews et des speeches de Dieudonné, et pour les Français qui doivent bien connaître ça, je suis désolé, quoi, mais sur, même si parfois il va un peu loin dans son humour, sur plein de choses, il a complètement raison. Il présente une mitraillette en plastique en expliquant combien de balles ça peut tirer, combien les balles explosent, enfin bon, la destruction totale. Il dit, ah, c'est construit dans tel film, dans telle ville en France, j'ai oublié le nom. Il dit, voilà, c'est produit en France et ça, c'est complètement autorisé. On en vend partout dans le monde, c'est complètement autorisé en France. Pas comme certains de mes DVD qui sont formellement interdits. Quand vous voyez ça, et que vous voyez cette dame, je pense, qui dit « je ne ferai jamais partie d'une secte », ben, regarde de quoi tu fais partie, ma grande. Je veux dire qu'un être comme Dieudonné n'ait absolument pas le droit de communiquer, de parler, d'exister, qu'on fasse tout et qu'on utilise toutes les lois à mauvais escient pour le détruire, pour le massacrer, pour le ravager, détruire sa famille, c'est du fascisme à l'état pur. Et c'est la même chose pour les réfugiés qui sont coincés au Pas-de-Calais. C'est la même chose pour tellement d'horreurs qui se passent. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont au chômage et qui sont immolés devant les centres qui leur refusent de donner de l'argent. Et ce n'est pas deux ou trois cas, hein. C'est beaucoup plus que ça, à tel point qu'aujourd'hui, devant plein de centres, on met maintenant des équipes de sécurité, des gardiens de sécurité. Ben, au moins, ça crée du travail, vous allez dire. Et c'est ça que vous acceptez, madame. Qui que vous soyez, la secte des gros cons, l'horreur totale, absolue. Claire Sévrac était une Française qui parlait de Monsanto, de la nourriture qu'on doit avaler, des vaccins, des médicaments. Cette dame, elle a chopé un cancer foudroyant au foie. Elle est morte en 2 ou 3 semaines. Bah, les cancers font des progrès, hein. Ils sont de plus en plus rapides et foudroyants. Et tout ce qu'elle avait fait, bah, ça a disparu, dites donc. Ça a été effacé d'Internet, ses livres ont été effacés. C'est les suites naturelles du cancer, c'est bien connu. C'est le cancer, vous dis-je. La secte des gros cons. Et quand vous prenez le comportement du président d'aujourd'hui, mais il vous rit au nez, il vous rit au nez, à vous tous. Il se moque de vous en long, en large et en travers. Et pourtant, vous irez voter pour le prochain président qui refera la même chose. Vous êtes attrapé dans un piège de folie furieuse. Et vous osez décrire un groupe comme étant une secte. Alors oui, toute secte est dangereuse, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, la secte des footballeurs, la secte des partis politiques, la secte de la société, et la secte de la FBU, s'ils se comportent en secte, et la secte des Mormons, s'ils se comportent en secte. Oui, tout à fait, toute secte. Mais alors, il va falloir aller vivre dans une cave, dans une grotte, cachée de tous, sans aucun contact avec qui que ce soit. Parce que la situation est telle que aujourd'hui, en neurosciences, on sait parfaitement que toute relation que l'on a avec autrui influence grandement notre psychologie. C'est un fait. Et là-dessus, comment peut-on progresser spirituellement seul? Alors attention, le scoop de l'année, je vais vous donner comment on fait. On peut pas. C'est un fait. On peut pas. Pour progresser un peu, oui, bien sûr, on peut avoir ses crises et ses prises de conscience seul, absolument. Mais dans sa masse, on ne peut pas progresser seul. Pourquoi? Bah parce que si par exemple, je prends un truc très simple, je me dis, ah, tiens, massacrer les animaux, c'est peut-être pas bien, peut-être qu'on devrait manger différemment, devenir même végétalien ou vegan, puisque les Français ils font une différence avec végétalien et vegan. Ouais, pourquoi pas? Bah, on va commencer à parler à des gens, à notre médecin, à l'infirmière, à notre ami, qui vont tous nous dire que c'est faux, qu'il faut surtout pas faire ça. Donc, le processus d'avancer vers le végétarisme, au moins, ben, ce serait d'avoir un entourage qui ne fait pas partie de la secte des gros cons, au moins sur la nourriture, et qui va vous dire, bah ouais, c'est une super idée. D'ailleurs, moi, je le fais depuis 10 ans, je suis absolument pas malade, je suis en pleine forme, je me sens beaucoup mieux. Au niveau de la conscience, c'est fantastique, j'économise de l'argent, bla bla bla bla bla. C'est normal. On progresse à coup de relations avec autrui. C'est normal, on appelle ça les neurones miroirs, et c'est même un fait qu'on peut donc définir scientifiquement avec des neurones particuliers qui ont cette fonction particulière d'établir ce que nous sommes en relation entre ce que nous croyons et notre relation qui nous poussera à nous considérer de telle ou telle façon au regard de notre entourage. Donc, progresser seul, c'est une impossibilité scientifique. 1 plus 1 n'est pas égal à 3, même si le champion de karaté, j'ai oublié son nom, le Belge, il a dit que ça faisait 3. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Voilà. Donc, on est obligé d'avoir un entourage qui nous permet de nous fertiliser dans un certain chemin. Et ça se comprend parce que si on plante des graines dans un endroit qui ne correspond pas à la progression de cette plante, à l'expansion de cette plante, elle mourra. Il lui faudra une certaine quantité de soleil, mais pas trop, une certaine quantité d'eau, mais pas trop, ou énormément, ou très peu. Et si elle a pas, elle n'est pas dans un secteur, un entourage qui s'adapte à sa progression, elle ne progressera pas. Ne me dites pas que la société est un entourage qui vous permet de progresser spirituellement, c'est du délire total. Donc il nous faut un entourage. Maintenant, un entourage positif, adapté à une certaine progression. La relation de maître à élève, par exemple, comme disait, je pense, le deuxième, il a parfaitement raison quand il exprime ces idées-là, parce que je redonne ma hiérarchie que je donne régulièrement, donc je vais la redonner, hein. Vous avez les babouins, premier niveau, c'est les babouins, voilà, c'est la secte des gros cons, hein. C'est les babouins, ils se battent pour les bananes et les cacahuètes. Puis après, vous avez les humains, qui font toujours partie de la secte des gros cons, mais qui commencent à se poser des questions. Peut-être que c'est pas bien de faire partie de la secte des gros cons. Peut-être qu'ils nous mentent. Ah, on commence déjà à progresser un petit peu. Et à se poser des questions, à douter. Et cette progression va peut-être nous amener soit à retourner chez les babouins, parce qu'on sera remis en place, ce sera le cas la plupart du temps, ou progresser vers l'état d'élève. Un élève, c'est quelqu'un qui cherche à s'élever. C'est pas parce qu'il est un professeur. C'est un élève parce qu'il cherche à s'élever. Et ce faisant, il commence à faire des recherches et il commence à appliquer certaines choses. Ce sera le maximum de l'endroit où vous pouvez vous trouver, madame, la première qui dit « je ne ferai jamais partie de secte ». C'est à peu près le maximum qu'on peut atteindre seul. C'est quitter le groupe de babouins pour arriver au groupe d'humains et même au groupe d'élèves. Mais si ensuite on est seul, on n'ira jamais plus loin. Au-delà de l'élève, on doit trouver un surrounding, un entourage qui nous permet de nous développer plus grandement. Et là, on devient un disciple. Et on n'est pas un disciple parce qu'on suit le maître Taras Bulba, Uzmulubulu Bombe. On devient un disciple parce que maintenant, on ne cherche plus qu'à... C'est plus simplement appliquer certaines choses, mais on discipline sa vie. Et discipliner sa vie, c'est difficile. À travers l'endoctrinement de la secte des gros cons, des babouins, c'est difficile. Au début, ne pas boire de bière, ne pas manger de viande, ne pas trahir quelqu'un, respecter le champ d'amour, c'est difficile. Respecter l'harmonie en soi et autour de soi, c'est difficile. Il faut de la discipline. Et puis, au bout d'une longue pratique de discipline, parce qu'on est entouré par des gens qui ont la même discipline et qui m'encouragent à appliquer la même discipline, qui me critiquent quand je n'ai pas le niveau, qui me motivent, à un moment, j'arrive à ce que cette discipline fasse totalement partie de moi. Alors, je ne suis plus un disciple, je suis un maître, parce que je maîtrise ma vie. Non pas parce que j'ai 40 disciples, mais parce que je maîtrise ma vie. Le fait que l'on ait un maître ou des disciples ou des élèves, c'est une conséquence de l'évolution, de l'élévation. Ce n'est pas le but en soi ou la référence même pour classer quelqu'un en tant que maître ou en tant que disciple. On maîtrise sa vie. C'est-à-dire que ne pas manger de viande, ne pas boire d'alcool, ne pas... Souvent, les gens me disent « Oh, Egy, tu as une discipline fantastique. » Je dis « C'est comme si vous... » Moi, je vous disais que vous avez une discipline fantastique parce que vous mangez 4 carrés de chocolat tous les soirs. Non, vous faites ça parce que vous aimez ça. On ne va pas dire « Oh, quelle discipline avec ton chocolat tous les soirs. » C'est évident. Vous faites ça parce que vous l'aimez, parce que vous aimez le chocolat. Eh bien, moi, toutes les choses qui sont pour vous difficiles, qu'il vous faut discipliner dans votre vie, c'est un plaisir. Je ne peux pas blesser quelqu'un. Je ne peux pas trahir un ami. Je ne peux pas manger de la viande. L'odeur de l'alcool me dégoûte. L'odeur de la cigarette me répugne. Etc., etc. Je ne peux pas aller contre l'essence même de la vie. Ça m'est totalement impossible. Donc, j'ai aucune discipline pour faire toutes ces choses-là aujourd'hui. Je le fais parce que je suis cela. Et en ce sens-là, ne faisant aucun effort pour toutes ces choses-là, telles que pratiquer, m'entraîner, transpirer, ça fait partie de ma vie, c'est un plaisir. Donc, ce n'est plus une discipline, mais une maîtrise. Je maîtrise ma vie et je suis en paix avec mon existence. Cela est la maîtrise et n'a rien à voir avec un maître qui a des disciples, un disciple qui suit un maître, et ainsi de suite. C'est un chemin d'évolution dans lequel certains compagnons de voyage pourront nous tirer, nous motiver, nous pousser. C'est parfois ce que moi j'appelle un coup de pied au cul ou un coup de pied occulte. C'est de toujours en avant, toujours en avant, toujours en avant. Et pour ça, regardant au regard de la masse négative de cette société, il faut au moins un petit groupe autour de soi qui nous permette cette avancée. Quant à la secte elle-même telle qu'elle est présentée dans notre société, alors que la secte, la société, comme je le disais, c'est la secte des gros cons, donc c'est une secte qui se moque de la secte, c'est la charité qui se moque de l'hôpital, quoi. On va dire que, par définition, je crois, malgré tout, que les gens sont tellement, tellement malades. Moi, je travaille avec, selon les moments, entre 2 et, disons, 20 personnes maximum. Selon les endroits où je suis, il y a des gens qui travaillent avec moi dans tel ou tel pays, qui s'entraînent un peu, qui suivent mes conférences. Ou... Je ne parle pas des gens auxquels je réponds maintenant et que je ne rencontre que sur Internet, qui sont donc des gens qui prennent certaines parties de ce que j'apporte, qui ne prennent que ce qu'ils veulent bien prendre et que je ne connais en aucune façon. Donc je ne sais pas s'ils ont une quelconque discipline, une quelconque élévation. Je parle vraiment des gens qui travaillent avec moi. Et déjà, à mon niveau, une vingtaine de personnes, ben c'est difficile de voir tout ce qu'ils vont pouvoir développer de négatif et de pouvoir le corriger, le contrôler. Et ça va dans tous les sens, hein. Et pas simplement dans le sens, comme voudraient bien le croire tous les babouins de la société, dans le sens de la secte. Moi, quand on fait des méditations au lever de soleil, par exemple, je ralentis énormément ma respiration et mon cœur. Donc la buée qui apparaît dans certains pays quand je fais ça, quand il fait froid, ben la buée n'apparaît plus, vous voyez, la fumée, je ne sais pas comment on appelle ça, quand vous respirez, n'apparaît plus parce qu'il fait froid et parce que je respire très lentement. Donc moi, j'ai déjà entendu des élèves qui disent « Iji, s'arrête de respirer pendant plus d'une heure qu'on fait de la méditation ». Et quand j'ai entendu, je dis « Mais arrêtez vos conneries, qu'est-ce que vous racontez là ? Je respire plus lentement, mais si je pouvais m'arrêter de respirer pendant une heure, mais je serais un génie. De quoi vous me parlez ?» Donc, c'est important de contrôler le délire des gens qui veulent admirer, c'est important de contrôler la méchanceté des gens, c'est important de contrôler leur délire, leur peur, leur manipulation, leur jalousie, leur fainéantise, leur arrogance. C'est déjà un travail très large. Et je pense que quand on dépasse 30, peut-être 40 élèves, grand, grand maximum, on ne peut plus contrôler. C'est déjà trop loin de vous, et même en tant qu'expert, vous ne contrôlez plus. Et je pense que, au-delà de l'enseignement du maître Omram, de tout ce qu'il a pu faire, je pense qu'à partir d'un moment, moi je voyais, quand je lui parlais à lui directement, quand il était vivant, je parle, il y a plein de choses qu'il ne gérait pas. Il y a des gens qui contrôlaient, mais il y a plein de choses, des gens qui ne connaissaient même pas. Qui étaient là des fois depuis, au bon fin, depuis 3, 4, 5 ans, ils ne les avaient jamais rencontrés. Ils n'avaient aucune idée de leur situation. Et c'est normal, quand on a à un moment, ils tournaient avec plus de 1000 personnes au bon fin. Comment voulez-vous suivre et connaître tout le monde et surtout savoir comment ils ont pris un enseignement, une conférence, comment ils l'ont assimilé? Donc, moi, ma politique, c'est de rester avec un petit groupe. Et de contrôler l'évolution des gens. Quand ils parlent dans un délire, dans une violence, dans une arrogance, dans une admiration totale, je leur parle et je les calme. Et s'ils refusent absolument parce qu'ils ont raison, je leur dis au revoir. Parce qu'ils ont le droit de percevoir et de vivre les choses comme ça. Et même s'ils m'admirent totalement et qu'ils veulent seulement m'admirer, je leur dis bah, c'est très gentil, mais au revoir. Va admirer quelqu'un d'autre. Et c'est difficile de pratiquer avec moi, et c'est aussi très difficile de rester avec moi, parce que je ne suis pas un monstre, mais j'essaye de... C'est de la chirurgie, c'est au niveau de la chirurgie. Dès que vous commencez à recevoir quelque chose qui vous permet de vous dire que vous avez absolument toujours raison parce que vous êtes végane, ça craint, hein, parce que moi je connais des véganes qui sont aussi des gros cons. Donc, même si, sur certains aspects, ils sont très intelligents, c'est vrai, mais le véganisme, je ne sais pas comment dire en français, le fait d'être végan ne vous protège pas d'être obsédé sexuel, d'être délirant, d'être parano, d'être schizo, d'être égoïste, d'être vous aimez les animaux et rien d'autre. Ah ben, dans ce cas-là, c'est bien, vous avez certains bons aspects, mais vous avez aussi de très mauvais aspects. Donc, il faut rester conscient. Conscient de tout. Et il y a des gens qui pratiquent avec moi les arts martiaux, l'enseignement Shaolin, et qui disent, maintenant que je suis capable de faire des super coups de pied, ah ben là, ça y est, je suis arrivé, hein. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Ben non, non, j'ai connu des champions d'arts martiaux qui traitaient leurs femmes comme de la merde. Mais franchement, je me souviens d'un type à Valence qui m'avait invité. Et j'avais pratiqué avec lui, et le mec était vraiment un mec brillant, génie dans les arts martiaux. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. J'ai rarement travaillé avec quelqu'un qui avait un niveau de stabilité et de réalité comme ça. Et il voulait qu'on travaille ensemble avec mes élèves et ses élèves, et qu'on s'associe dans différentes écoles, qu'on établisse un truc ensemble. Et moi, j'étais très ouvert, parce qu'avec son niveau d'arts martiaux, je dis, ben oui, tout à fait, tout de suite. Et puis après un cours, on va dans le bureau, je discute avec lui, et puis il appelle sa femme, qui était aussi une ceinture noire, qui avait pratiqué avec nous, et il l'insulte parce qu'il n'a pas sa bière, mais il la traite vraiment comme une chienne. Après, elle vient, il l'insulte encore, quand elle sort, mais ferme la porte, espèce de connasse, tu pourras au moins fermer la porte. Et après, il me dit, alors qu'est-ce que tu penses d'une association? Je dis, ben, je travaille pas avec un mec comme toi. Il me dit, comment ça, je comprends pas. J'ai dit, ah ouais, non, non, mais en karaté, t'es brillant, mais t'es un gros con, t'as vu comment tu parles à ta femme? La réponse, c'est non, je m'associe pas avec quelqu'un comme ça. Et en aucune façon. Et il l'a pas vu venir, parce que pour lui, il se cachait absolument pas de son attitude avec sa femme, parce que ça n'avait rien à voir avec les arts martiaux. Et voilà, donc il faut travailler proche des gens et contrôler l'évolution des gens, tester l'évolution des gens, leur façon de vivre, d'agir. Hein? Ton corps parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tes actions parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et pour écouter votre corps, pour écouter vos actions, il faut être proche de vous. Et au bout d'un moment, bah, il est temps peut-être vous-même d'avoir votre propre groupe. Je pourrais imaginer un jour, s'il y avait beaucoup de gens qui voulaient travailler avec moi, ce que je ne cherche pas à faire, mais ça pourrait arriver, que j'ai deux ou trois élèves très avancés qui soient prêts à fonder leur groupe. Et alors, ce serait leur groupe avec lequel je pourrais avoir une interaction, mais ce serait le rôle des gens très avancés de gérer l'évolution des gens dans leur groupe. Mais au-delà de 30, 40 personnes, on ne gère plus les choses. C'est très difficile. Et une fois que le maître n'est plus là, ben, prenez les enseignements. Restez en contact avec vos amis si vous voulez, mais dès que vous forgez quelque chose, oui, je suis d'accord, la FBU ou n'importe quoi, ça devient une église sur laquelle on manipule, on enlève et on rajoute ce qu'on veut. Et je l'ai vu plein de fois, hein, pas qu'avec Maître Omra, mais je l'ai vu avec plein de maîtres, où quelques années plus tard, alors que j'étais agissant pour protéger telle ou telle association qui protégeait l'enseignement dans les arts martiaux, spirituels de tel ou tel maître, les gens commençaient à parler du maître comme d'un dieu, quel qu'il soit. Et je leur disais, non mais attendez, réveillez-vous, hein. Il faisait ça, il faisait ça, il était comme ça, il faisait telle chose et telle chose. Donc c'était un génie sur tel ou tel aspect, mais il commençait pas à en faire un Superman, qui avait sa cape et qui était invulnérable, qui ne sentait que la kryptonite, et encore, fort peu, parce qu'il était encore plus fort que Superman. Il faut se calmer. Donc, il faut essayer de garder des souvenirs propres, et je dirais que à travers l'enseignement d'une personne, ben aller vers d'autres après. Expérimenter, découvrir si c'est mieux, si c'est plus riche, moins riche. Faites votre chemin, faites votre expérience. Unissez votre esprit. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec vous-même. J'ai fait un tout petit chapitre en anglais sur les cinq clés pour vivre mieux et plus longtemps. Et les cinq clés, je ne vais pas les étaler ici en longueur, mais c'est la diète, ce qui inclut évidemment végétarisme, pas d'alcool, pas de cigarettes, etc. Mais aussi de manger peu et de faire des jeûnes assez souvent. La deuxième, c'est de faire du sport, mais du sport très large, pas un sport spécialisé, de pratiquer plein de choses pour le corps. La troisième, c'est de continuer à étudier toujours pour rester, pour garder notre cerveau actif, parce qu'au bout d'un moment, quand on est un peu plus vieux, on commence à vivre en automatisme. On n'a pas besoin de penser pour faire notre travail, pour arriver à notre boulot. Donc notre cerveau s'endort de plus en plus, se referme de plus en plus, ce qui amène le vieillissement très rapide. La quatrième, c'est l'amour, de protéger l'amour et de manifester l'amour, de rayonner d'amour, d'être un avec cet amour. Et la cinquième, c'est d'éviter les contradictions, d'être dans un champ d'unité dans notre cerveau. Je dis toujours, maintenant vous gagnez, vous voulez de l'argent, vous trompez votre copine, vous trahissez votre ami, vous le poignardez, vous gagnez, mais en réalité vous perdez. Parce que toutes ces choses-là, vous les gardez avec vous durant votre temps moins actif, durant votre vieillesse qui peut durer très longtemps, et même après votre mort. On vous posera la question, comment as-tu aimé? Ah, oui, alors on pourrait parler d'autre chose peut-être. Donc il faut créer ce champ d'unité parce qu'on est vrai avec soi-même. Et dans l'adoration d'un maître, dans l'adoration d'un groupe, dans l'emprisonnement d'un groupe, dans les interdictions d'un groupe, on arrive à effacer plein de choses pour accepter ce qui a été dicté par l'autorité qui va en général récolter beaucoup d'argent. Et là, vous commencez à ne plus parler telle chose, à ignorer telle chose, à nier tel aspect. Il faut rester vrai avec vous-même, en respect de ce que votre maître vous a apporté, de son enseignement, mais sans en faire un dieu, sans accepter de commencer à délirer avec les autres. Si on est 30 à avoir le même délire sur notre maître, c'est donc la vérité. Non, c'est une adoration fanatique. Rester libre et équilibré, toujours. Personnellement, j'évite la Bulgarie, j'y suis allé juste pour découvrir, espionner, me remémorer, mais j'évite la Bulgarie parce que les gens de Bulgarie sont fanatiques avec le maître que j'étais. Et je rejette ce protocole, même si c'est tourné vers moi. Pas d'adoration, un chemin honnête, appliqué au milieu d'amis qui vont dans la même direction, mais sans adoration ou sans haine ou renie envers la société, envers les réalités de ce monde, envers la politique, envers l'argent. Unifiez votre champ de conscience sans mensonge, parce que les mensonges, c'est un élément perturbateur de cette unité, sans haine, sans violence, sans trahison, sans changement d'opinion et demi-tour perpétuel. Allez vers un chemin, adaptez-vous. C'est sûr que vous ne voudrez pas de la même façon à 20 ans et à 60 ans, c'est clair. Mais ça ne change pas la direction. Si vous vous rencontrez, vous, à 20 ans, alors que vous avez 60 ans, vous êtes admiratif. Celui de 20 ans admire celui de 60 ans. Or, la plupart du temps, c'est bien le contraire qui va se passer. Vous allez détester, rejeter, être très en colère. Voilà. Il faut apprendre à avoir cette unité. Et cette unité, elle ne peut exister que dans l'honnêteté des choses, sans déformation, sans déni, sans adoration. Un champ d'amour véritable envers tous ceux qui méritent cet amour, sans pour autant changer les événements. Et à travers cette vérité, vous êtes capable d'évoluer vers une paix, vers une sérénité, vers un pouvoir plus grand chaque jour. Lorsque vous vieillissez et que vous affaiblissez, vous avez la preuve que vous vieillissez mal. Évidemment, à 20 ans, vous êtes plus capable physiquement, mais moins capable spirituellement. À 50 ans, vous êtes moins capable physiquement, mais plus spirituellement. Vous êtes en paix avec beaucoup de choses. Et si on vous proposait à 50 ans de retourner dans votre corps et votre conscience de 20 ans, vous devriez dire non, jamais. Merci. Ça ne m'intéresse pas. Je suis bien mieux maintenant que quand j'avais 20 ans. Si vous dites ça, hein, sur tous les aspects, et moi je le dis, même en étant aveugle aujourd'hui, alors qu'avant je voyais, je conduisais, eh bien c'est un très très bon signe de votre avancement. Si vous aimeriez retourner vers votre jeunesse, c'est un très mauvais signe de votre évolution. Voilà quelques classements, calme et serein qui vous permette de mieux comprendre les choses vis-à-vis de vous-même, en clarté, en honnêteté, en vérité. Notre hippie de service, en vérité, je vous le dis, était une phrase tellement profonde, tellement intense. En vérité, je vous le dis. Êtes-vous capable de parler en vérité? Êtes-vous capable d'entendre la vérité? Pourtant, c'est cette vérité qui vous rendra libre. Rien d'autre. Merci.